Amis Balance, bonjour et bienvenue dans votre tirage de l'oracle de Béline. Petit tirage sur vos amours. Pour le mois d'avril 2023, on va se concentrer sur vos amours. Alors donc, quel va être le conseil de l'oracle de Béline? Balance, amour 2023. L'amour est dans l'air, mais en tout cas, il est dans la maison. Il est autour de vous, près de vous. Donc ça, c'est bien. Déjà, c'est bien parti. Comme coupe qui colore le jeu, mais on va voir le tirage ensemble. Donc, pour les balances, que nous dit l'oracle de Béline pour ce mois d'avril 2023, pour les amours? Ah, les amours, et ça me parle de boulot. Non, mais toutes les cartes s'adaptent. Donc, on a vu qu'il y avait de l'amour au fond de vous, en vous. Apparemment, vous êtes comblé dans votre couple pour le moment. Par contre, c'est vrai que... Alors, laissez-moi déchiffrer, parce que je découvre en même temps que vous. Et... Tiens, on dirait que vous allez, par rapport à difficultés, peut-être que vous êtes fatigué actuellement, ami Balance, concernant votre travail, concernant vos activités. Vous avez besoin parfois de vous ressourcer et c'est compliqué pour vous. Donc, il se pourrait, faites quand même attention parce que il y a autour de vous en avril, alors c'est sans doute des difficultés dans votre vie socio-professionnelle, rien de grave, mais des soucis, des personnes très compliquées qui peuvent vous compliquer la vie. Et donc par rapport à tout cela, eh bien vous allez avoir vraiment besoin de votre partenaire pour vous ressourcer, pour vous apporter quoi? Alors la solution de certains problèmes tout à fait concrets, donc le fait d'être en couple c'est plus facile également, mais ça peut être également de toute façon la solution grâce à l'affection que votre partenaire vous porte et qui va vous réconforter pleinement. Donc en gros, au mois d'avril, eh bien, c'est l'amour qui va vous ressourcer par rapport à des soucis d'ordre pratique ou, je dirais, hors pratique professionnelle. Voilà, donc comptez sur l'autre, vous pouvez, et voyez le bon côté des choses, voyez cette affection qui est sur vous. Alors, s'il y a des célibataires qui sont en demande pour l'instant, moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir compter sur des amis ou un ami proche ou une amie proche, pour vous aider même, je pense, dans tout ce qui est domaine pratique et dans par rapport à ces petits soucis. Donc voilà, et par contre, bon, là, j'ai pas encore pour le moment de rencontre affective pour vous, mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. À bientôt!